Psaume 51. Psaume de David, au maître chantre, touchant ce que Nathan le prophète vint à lui, après qu'il fut entré vers Bathseba. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta gratuité, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. L'aide-moi parfaitement de mon iniquité, et me nettoie de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi proprement, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux, afin que tu sois connu juste quand tu parles, et trouvé pur, quand tu juges. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a échauffé dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, et tu m'as enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai net, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et fais que les os que tu as brisés se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée-moi un cœur net, et renouvelle au-dedans de moi un esprit bien remis. Ne me rejette point de devant ta face, et ne m'ôte point l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, et que l'esprit franc me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se convertiront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi de tant de sang, et ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends point plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais, l'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont l'esprit froissé, ô Dieu, tu ne méprises point le cœur froissé et brisé. Fais du bien selon ta bienveillance à Sion, et édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice, qui se consument entièrement par le feu, alors on offrira des veaux sur ton autel.